Ah ouais, c'est juste qu'on n'a pas le même sens de l'amitié en fait, tu vois. Au niveau de la vie réelle et au niveau musical aussi, tu vois. On n'est pas sur la même longueur d'onde, mais bon, après... Tu m'étonnes. Les Normands, les Sudistes, tu vois, y a quand même un monde qui nous sépare, quoi. Mais c'est bien d'être un enculé aussi, t'as bien raison. Hein. Franchement, t'as bien raison, en fait. Ok. Un coup de bassin, tu prends tout le biais les coudes. C'est comment je t'appelle meuf. On voit bien que tu te sens pousser des couilles, mais commence par tes vœux. Je glisse à doigt tes guibolles sous. Je rétablis un droit de cuissage. Pris de panique, ta voix petite tasse. Triste un droit des guignols sous. 1m60, pas une de plus, et tu t'y être à la hauteur. Qu'avec croissant, tu joues le robuste, mais t'es galbé comme un pot de fleurs. À l'apéro, t'es le cassoulé. Le libéro, plein de cassoulé. Quand y'a pas de cash, tu fais le poteau. T'es pas costaud, t'es grassouillé. Toi, ton cas vu, on l'a souillé. T'es le mouton noir, t'es rassuré. Aucun de tes 16 sont validés, c'est tout ce qu'on voit, faut l'assumer. Soit t'encaisses un peu d'amour. Tant pis, tu forces, tu flingues nos draps. Benoît enlève ta queue de sa bouche pour qu'il nous sorte un refrain potable. T'es pas bronzé, tu parles de quoi? Dans ta région, y'a pas d'UV. On trouvera pas plus pâle que toi. Derrière ta barbe, c'est du duvet. Tu mets tes slips tachés, ça craint. Ton dernier clip était pété. Je te verrai bien, petit lapin, ou dans un trip LGBT. Enfile une robe, une perruque blonde, t'adores te faire taper le fion. T'es le seul mec que je connaisse qui aime les jogging à pression. Tu sais pas conduire sous la pluie ni sur la neige. Et ça fait le fou d'entrée, croupe cassée. Quand je vois ton crâne, je pense à mes couilles rasées. Allô, tonton, si tu m'entends, le sud l'été, le nord l'envie. Les seuls tétons que t'as tété sont sous une vache de Normandie. Rien que le fromage en gourmandise. Putain, c'est quoi cette sale image? Allez, dis-moi, t'es dans le futur ou à l'époque du Moyen-Âge? Dans tes vignes, lâche-moi la grappe, toi ta région d'impoli. Peigner, c'est pas Napoli, tu rappes, personne t'applaudit. T'es son fil la gastrologique, des fois je suis chaud, des fois je crache. Nous, on a la gastronomie, on te laisse les soupe de poiscaille. Tu confonds le beurre et la pommade, le beurre à la chorale. Tu kiffes l'odeur que l'alcool a, la petite olive dans la collade. Tes frères et sœurs qui niquent entre eux, toi t'appelles ça l'esprit de famille. Rencontre les points qui mènent au score, le petit Mika, ta mi-famille. Peu cher c'était trop frime, dans le rap les bons supprimes. Mika t'es juste con comme une bite, t'as besoin qu'on te rassure quand tu pines. T'es qu'un gogol avec l'accent qui croit que le nord c'est au-dessus d'Aix. Ouais c'est lassant, oui je vois que t'as morflé, faut que tu freines. Peu cher c'était trop frime, dans le rap les bons supprimes. Mika t'es juste con comme une bite, t'as besoin qu'on te rassure quand tu pines. T'es qu'un gogol avait l'accent qui croit que le nord c'est au-dessus d'Aix. Ouais c'est lassant, je vois ta mort, fais faut que tu freines frérot. Allez pleine d'ego, trou de balle t'es pas réglo. Par où tu fais le costaud, je vais te démonter comme un Lego. T'en baffes ça pique dans ton petit cœur, t'es pas rentré dans la légende. Tu pars d'équipe mais t'es tout seul et boycotté dans ta région. Trou de balle est plein d'ego, trou de balle t'es pas réglo. Par où tu fais le costaud, je vais te démonter comme un Lego. T'en baffes ça pique dans ton petit cœur, t'es pas rentré dans la légende. Tu pars d'équipe mais t'es tout seul et boycotté dans ta région. Remballe ta carcasse du milieu. Remballe ta carcasse. Des régions, je t'ai démonté des garrigues et des chèvres. Des chauveurs et des bandits. Allez, plein d'écho. Vieille plage, là, tout claqué. Vieilles expressions de galets, là. Par où tu fais le costaud? 48 degrés les deux. Je t'ai démonté. Vous avez rien, vous êtes fiers. Marron, allez, plein d'écho. Tout le monde vous tape à domicile. Trouballe, t'es pas réglo. Toi et ta vieille tête de boule de billard. Tu fais le costaud. Avec tes 36 refrains, je t'ai démonté comme un Lego. Ils sont claqués au sol. Bah, elle est pleine d'égo. Eh ouais, mon. Vive la Normandie. Plié par où? Halte par réglo. Ah, moula le sang. Par où tu fais le costaud? Je t'ai démonté comme un Lego. Oh.